Oui, la partie la plus difficile de ce que je fais, c'est le fait de ne pas arriver à, jusqu'à présent, à concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Par rapport aux problèmes auxquels nous faisons face en Haïti et depuis le tremblement de terre, parce que je dois dire que depuis ce fameux tremblement de terre, les droits humains, le secteur des droits humains, particulièrement des droits des femmes, c'est un secteur qui a été assez négligé. Donc, la maison qui logeait, qui abritait les mineurs victimes de violences sexuelles a été détruite. Et comme on avait à l'époque des enfants en hébergement, j'ai dû partager une partie de la cour de ma résidence qui est assez grande pour abriter le centre Revive. Donc, et ça se fait de manière indépendante. C'est une grande cour. Nous avons chacune notre barrière. Et le centre est logé sur une partie de la résidence. Mais ceci n'empêche pas que le soir en rentrant, s'il y a une bisbille, je peux être sollicité. Donc, même si je termine tard mon travail, je rentre à la maison, il y a toujours une petite chose sur laquelle je dois intervenir pour et faciliter la tâche. Il y a également le fait que par rapport aux dénonciations que nous faisons, nous ne sommes pas aimé de tout le monde, particulièrement des agresseurs. Dernièrement, j'ai eu à faire face à un grave problème d'harcèlement au téléphone de la part d'un agresseur. C'est un homme qui a agressé sexuellement sa fille, donc c'est un cas d'inceste. Donc cette personne a passé un temps fou à me harceler au téléphone pour que m'intimider et nous porter à laisser et ce cas. Donc, c'est ça les parties et, qui affectent ma vie personnelle dans le travail que je fais. Les gens ne comprennent pas souvent que c'est pas c'est le travail, c'est pas parce qu'on n'aime pas, mais c'est quelque chose que vous faites qui n'est pas correct, le travail d'accompagnement qu'on fait, et c'est pour protéger les victimes. Donc, on est du côté des victimes, pas des agresseurs, et c'est toujours mal compris, très souvent.